quelques étoiles timides que nos lumières refusent de voir. Et devant moi, les livres ont cessé de bruire. Doucement, redescendre après minuit. Arômes et renoncules, ta lettre qui nous sauve et le son des guitares flamenco. Un gyroscope lancé sur le papier, ses flammes lancent un alphabet de braise où les lettres en spirale tournoient comme la galaxie piégée à l'infrarouge et le ciel regardé dans le bruit de la mer sous les colonnes du temple crétois. Raison, douleur, obsidienne et silex, ou lire la patine d'armes antiques. Peut-être ce théorème, simple viatique, réveille-t-il chez le dormeur une torture assoupie par tant d'esquives obstinées. Quand bien même je voyagerai vers la nuit dans un refuge de montagne, l'initié inclinerait son front vers les chiffres, l'œil concentré au télescope, les sens pliés sous l'ouragan logique. Mais cette distance où l'infini hésite au bord du foyer d'où viennent les anges si fatigués, disent les kabbalistes, gémit tout bas comme l'écho d'un séisme au-delà des mondes.